بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا اليوم أولا أن تكتب جمل مع الكلمات إسعاف ومنتصف وبيضاء وبطن والنجاح وكيل. اتصل إبراهيم بالإسحاف. نعم. بطن. عندي ألم في البطن. عندي إيش؟ عندي ألم. ألم نعم. ألمون. ألمون. عندي ألم في البطن. ما في مد. ألمون. عندي ألم في البطن. نعم. ثالثا منتصف. نحن في منتصف الكتاب. منتصفي. منتصف الكتاب. Je sais pas si quand je dis la dernière fois, je sais pas si منتصف c'est spécifique au lieu ou au temps. لكن سنشوف إن شاء الله. طيب، رابعا النجاح. يحب النجاح. من؟ إن شاء الله يحب النجاح. أحب النجاح. طيب، خامسا بيضاء. الصحف بيضاء. Je ne sais pas, là, risque, tu vois, le mot il est moelleux, non ? Cache. Bayda. Parce qu'en français, ouais, c'est ça le truc. En français, on dit blanche. Ah ouais ? Fraîche. Et là, de ton clan, on dit quoi ? On dit, est-ce souffouf ? Les pages sont blanches, je veux dire. Non ? Comme ça ? Kayle. سعيد يريد كيل روز جريف كيلو روز دابا كيل سي با كيلو المزيور كيل سي المزيور مي لي با ديفيني با دير كيل C'est-à-dire, je ne peux pas dire à quelqu'un. Là, ça n'existe pas, Kay, la mesure. Ah, Kay, c'est une façon de faire. Parce que si tu dis, je veux quelqu'un, je veux jouer un poids de riz. Combien poids? Quel poids? Moi, je pensais que en arabe, ça te disait, tu vois. Là. Par exemple, je donne un exemple de Kayl, comme pour Zakat al-Fitr. C'est quoi qu'on dit? Combien on donne? C'est quoi qu'on donne? Zakat al-Fitr? Oui. C'est 4 comme ça? 4 comme ça? Mas Mourada. C'est un Sa. Allez, ouais. Allez, des Jumla. Tu changes Kayl par Sa. Uridou, Sa, Alba. لا رست مفرد. ربيع. رست مفرد. بباكة من أصل. سعيد يريد الصاع روز. مش بات الصاع. كيلو الصاع. كيلو. الصاع روزين. صاع روزين. صاع مضاف روز مضاف إليه. نعم صاع. طيب. أسألك عن كلمة ما معنى حول يحول transformer aussi non j'ai vu que des fois tu disais نعم جيدا قسم service الباطنية service gastrique, enfin, un service interlément. Un moustachfa. Wa alaykoum assalam. Makatha yamkuthu. Araja yu'ariju. نعم الكلمة أخرى معروفة. عندي سؤال كم مكاسا c'est rester mais ils sont dit bloqués aussi c'est par exemple si je dis à quelqu'un et je l'ai bloqué là non c'est pas comme ça que je dis là des kelimes أخرى avec ça pour aujourd'hui là non par les kelimes Là, il y avait aussi Yattasilu Ibrahim, Bil Israf. On avait dit qu'il fallait mettre le signe. Le cas-là ? Ouais, les exercices. Ah, oui, ouais. La jumla l'oula. نعم شعر عمر بالحمى لم يشعر عمر بالحمى لا لم يشعر من لم يشعر من عمر لماذا الفتحة C'était comme ça, il y avait même le verbe et après, ça prenait la fatha. C'est quoi le mot qui prend la fatha Je sais pas, mais ça marche. Bah là, tu l'as déjà fait, là. Hein Tu l'as déjà fait, là, en disant Sha'ala Omara. Ouais, mais... Bah, je veux que tu m'expliques pourquoi t'as mis fatha. Moi, j'ai mis une fatha parce que pour moi, c'est celui qui subit l'action, tu vois. Pour moi, c'est celui-là qui subit. C'est Omar qui. Qui subit l'action ? Oui, qui n'a pas été. Tu vois ? Qui a été. Qui ressent, voilà. Pour moi, c'est lui qui ressent, donc. Et donc, celui qui ressent, comment on l'appelle ? Mafal B. Mafal B, là. C'est pas le COD, là ? C'est pas celui qui subit l'action. En français, quand on dit Omar ressent de douleur, Omar, c'est à quoi ? Hein ? Omar, c'est le sujet. Bah alors, elle a la différence, là. Je sais pas, il n'y en a pas peut-être. Il n'y en a aucune. Omar, il est fait à elle. Là. Là, il est dans la phrase qu'on met. Pourquoi tu as mis une fatha, toi ? Tu n'as pas changé Omar ou Humma. Tu as juste changé. Mettre l'em et à la fin du verbe, mettre une soukoun. C'est tout. Le reste, ça reste comme il est. La phrase, c'est la même. Non. C'est juste le temps qui change. Il faut regarder, mais. Non. Faut regarder, mais faut comprendre. C'est pas juste nakl. Une phrase à une phrase. Faut comprendre pourquoi, par exemple là, Omar, pourquoi dans une phrase il va avoir une fatha ? Il n'aura pas de fatha à chaque fois, Omar. Omar, il peut avoir une fatha, il peut avoir une dhamma. Vas-y, Aïd al-Jumla. Aïd ? Je recommence, je vais dire. نعم جملة ثانية اتصل علي بالإسعاف لم يتصل علي بالإسعاف ثالثا حول الطبيب عمر إلى المستشفى لم يوحل يحول لم يحول طبيب عمر إلى المستشفى نعم فحص الطبيب عمر لم يفحص الطبيب عمر نعم طيب vous avez fait les phrases là ou déjà ouais بعد التمرين الثاني قلنا نزيد سين يتصل إبراهيم بالإسعاف اليوم سيتصل إبراهيم بالإسعاف اليوم نعم يحول الطبيب عمر إلى المستشفى سيحول الطبيب عمر إلى المستشفى يبحث الطبيب عمر اليوم سيبحث الطبيب عمر اليوم نعم يلزم عمر سرير المستشفى اليوم سيلزم عمر سرير المستشفى اليوم يشعر عمر بالشفاء اليوم لا بالساسين ها بالشفاء بالشفاء اليوم نعم سيشعر عمر بالشفاء اليوم يخرج عمر من المستشفى اليوم سيخرج عمر من المستشفى اليوم يعود عمر إلى السكن اليوم سيعود عمر إلى السكن اليوم يزور عثمان عمر اليوم سيزور عثمان عمر اليوم طيب ولا خمسة يشعر عمر بالشفاء سيدير يسان كي بغير يسان كي طيب ننتقل إلى الدرس الآتي ما زلنا في الوحدة الخامسة والآن سندخل في الدرس السادس عشر زيارة عمر في المستشفى la visite de عمر à l'hôpital طيب كلمة جديدة أجرى يجري أجرى يجري لا dans le nos أجرى يجري qu'est-ce qu'il veut dire principalement dans par rapport au texte il est où là il y a un mana amila là dans le texte c'est mana amila c'est faire en fait parce qu'à la base jara c'est courir et jara ça pourrait être faire courir ou quoi mais là c'est pas ça qui apparaît donc le sens que lui veut c'est amila fa'ala tahlil jam tahalil c'est analyse une analyse comme ça vient par exemple tahlil ad-dam une analyse de sang donc tahlil là c'est une analyse examen sanguin Demoun, sang, c'est le sang. C'est le sang. Mukhtabar, un laboratoire. C'est un lieu d'examen en fait, mais là ils veulent un laboratoire. Natija, c'est résultat. Natija, résultat. Malaria, Marlouf, c'est la malaria. Et malaria, c'est la malaria. Dawaun, c'est médicament. Remède. Dawa, médicament ou remède. Habba, ça a plusieurs sens, et là ce qu'ils veulent dire par là, c'est une pilule. Cachet. Ou c'est un cachet. Naam. Des graines, ça peut être des graines, ça peut être des boutons. Des moutons aussi. Boutons. Ah, t'as un bouton de faire un habba. T'as un bouton. Je parlais pas des boutons de vêtements, des boutons de. Des boutons sur le corps. Marra, ça veut dire fois. Comme ça, maratun ukhra, une autre fois. Et maratun, c'est fois. Mais pas fois le kabid. C'est pas le fois la partie du corps. C'est pas la c'est une noire. C'est la petite noire. Hukna, c'est une injection. Par piqûre. Hukun, c'est le jam. Hukna, c'est une injection. Hukun, c'est plusieurs injections. C'est le jam. Adaloun, muscle. Adaloun, c'est un muscle. J'ai pas compris. Muscle. Naam. ظهر يظهر fait apparaître. ظهر يظهر c'est apparaître. Et dans le texte, comment il emploie? Ouais, non, c'est ça. استعمل يستعمل c'est utilisé. Employé. Utiliser, employer quelque chose. Un instrument de qalam, utilise un stylo. Salam. Safha, c'est une page. Safha, c'est une page. Et dans les tarbirot, les tarakib et nahouya, comme d'hab, inchallah, on a dit qu'on on les traite pas, juste ils apparaissent directement dans le texte. Les tarbirot, les expressions, shafak Allah, et ça c'est ma'louf, c'est un dua qui veut dire qu'Allah te guérisse. Tu peux dire aussi Allah yashfik, on en prend le mot d'aller. Shafa yashfi, ça c'est un verbe qui veut dire guérir. Donc là c'est shafak Allah, qu'Allah te guérisse. Et comme c'est connu souvent le dua, il vient avec une forme passive. C'est Hadak Allah Kalad Gib. Et pourtant, dans le dua, c'est un verbe au maradi. Tu peux dire aussi Al-Hidig. Tu peux aussi l'employer. Mais le dua, il vient comme ça, cette forme-là, souvent. Au maradi ou au mudalia. Toyib. Madame Afoum. عندنا عثمان وعمر أنتم تزيدون السلام لأن هؤلاء الله مستعان كلا أدب ما أدري كيف في المحبة بينهم ما في سلام ممكن في النص سلام مرة واحدة ومرتين المرة الأولى على الصاحب في بداية المرة الثالثة الموظف في المطار في الرياض première fois c'est avec son ami. Deuxième fois, c'est juste à l'aéroport avec l'employé. Après, le tout veut dire salut, je ne sais pas ce que ça veut dire. Antoum, tazidou, salam. Salam alaykoum. Donc, comment vas-tu maintenant, actuellement, au Omar? Donc, dis je vais bien et la louange est à Allah, je te remercie pour ta visite ou pour la visite. Donc, as-tu fait certains examens, certains tests, analyses? Non. نعم أجريت تحليلا للدم في المختبر. Donc il fait oui, j'ai fait une analyse sanguine pour le laboratoire. وهل ظهرت النتيجة؟ انظر. هل ظهرت؟ لا، أنا الفاعل. يا هل ظهرت النتيجة؟ لا. ظهرت. Et après, là, tu mets la kasra. هل ظهرت النتيجة؟ نعم. Est-ce que les résultats sont apparus? Sont sortis? نعم. ظهرت. عندي ملاريا في الدم. Donc, il dit oui, il est apparu que j'ai la malaria dans le sang. Et quel médicament l'offre obligé de traduire par prescrire? On ne va pas dire décider ou quoi. Là, on oublie de nous mettre en français par prescrire. Donc, quel médicament a prescrit le médecin? Donc il dit certains cachets et certaines injections. Huboub, c'est le jam de Habba. Huboub, c'est le jam de Habba. Donc certains cachets et certaines injections. Et comment tu les utilises, comment tu les emploies? يومياً. نعم. وحقنة في العضل. وحقنة أو حقنة. حقنة لا. وتم التنوين وتجي عين. الحقنة وحقنة في العضل كل يوم. Donc il dit je prends deux cachets trois fois par jour. يومياً c'est par jour en fait quotidiennement. Et une injection dans le muscle chaque jour. حقنة في العضل, une injection dans le muscle, كل يوم, tous les jours, pas chaque jour en fait. Non, en fait c'est quotidiennement, ça se dirait. Non. Mais c'est le même sens en fait. يومياً ou كل يوم, c'est le même sens. Hoffman. شفاك الله. نعم. آمين. طيب. Oui, je pense que tu peux l'employer. Non, non, si tu dis ça, ça va être compris, Inch'Allah. Ben moi là, c'est la première fois que. Parce qu'en fait, Ajara, là, ça fait comme Ijara'at. Ijara'at, on l'avait pris au début. Formalité. En fait, c'est le masdar Ijara'a de Ajara. Qui veut dire faire des formalités. Donc, tel que. Dans le dictionnaire, mener une enquête. Ajara'a, mener une enquête. Donc, tu vois, là, ce serait. Ce que tu as fait d'un examen, quoi. Ou faire courir. Ouais, faire courir. Ah, c'est ça aussi. Sens d'origine, ce serait faire courir. Mais. Donc là, on va dire, c'est peut-être plus subtil, tu vois, c'est plus précis. Mais si ils écoutent à l'amilta bad al-tahalil, maintenant ma foi, Inch'Allah. Sans se décompris. Tayyib, awalan, istami' wa raddid. Maintenant, man yafkuruna, kif yakoun al-mufanna, le duel. Kif taf'al? الذي يدل على شيئين كيف تفعل؟ تدل على نعم تزيد الألف والنون مثلا قلم واحد قلماني اثنان طيب لكون دي قلماني مثلا قلماني avec le alif et le nun c'est quand il est marfou c'est marfou on met alif pas de damma il y a pas de damma à ce moment-là aramat rafi طيب هي الالف son signe de raf c'est le alif et ben maintenant quand il est mansoub ou majrour comment il est il est comme ça va pas être maintenant avec un ya c'est plus مثلا tu as pu dire ishtaraytu qalamani là tu vas dire ishtaraytu qalamaini طيب qalamaini et là ça veut dire qu'il est mansoub et quand il est majrour avec harf jar il est pareil طيب il a la même apparence mais tu arrives à la différence entre les deux par rapport à ce qu'il y a devant si c'est un harf jar tu sais qu'il est majrour si c'est un truc qui est en mansoub tu sais qu'il est mansoub ça c'est un truc qui est apparent مثلا يقول يتناول عمر حبتين طيب que عمر prend deux cachets la حبتين c'est quoi مفعول به المفعول به il est mansoub il a comme ça مثنى qui prouve deux choses on met un ya une fatha devant une kasra sur le nun حبتين à la base c'est habbatani quand il est marfou et marfou c'est habbatani ثانيًا يجري عمر تحليلين que عمر a fait deux analyses à la base تحليلان et là il est marfou donc c'est تحليلين يأخذ عمر حقنتين que عمر prend deux injections à la base حقنتان Et là, c'est devenu mansoub. Donc, on dit hukunatayni. Rabi'an, yamkusu Omar yomayni. À la base, c'est yomani. Et là, comme il est mansoub, là, il n'est plus mansoub parce qu'il est mafoulbi. Là, c'est pas mafoulbi dans cette phrase-là. Ça, c'est un vaf zaman. C'est un mot qui définit le temps. Et lui aussi, il est mansoub. C'est un nom. C'est un vaf zaman. Vous voyez, une contenance de temps, et là, il est mansoub. Mais tout ce qui est mansoub, c'est les mêmes trucs, les mêmes signes qu'ils ont. C'est juste après, comment on l'appelle ? On peut l'appeler maful bihi, on peut l'appeler zaf meken, on peut l'appeler maful ma'ahu, on peut l'appeler maful yajli, comme ça va venir plus tard. Mais tout ce qui est mansoub, ça a les mêmes signes. Ça a les mêmes signes. Après, tu arrives à la différencier avec les définitions, les conditions et le sens de la phrase. Tu arriveras, Inch'Allah, à distinguer les uns des autres. Bismillah. Khamisan, yashtari Omaru kitabaini. Omar achète deux livres. À la base, kitabaini, là, le mansoub maful bihi, kitabaini. Yakra'u Omaru safhataini. Omar lit deux pages. Yaktubu Omaru risalataini. Omar écrit deux lettres. ثانيا اكمل كما في النموذج النموذج يجيز يتناول عمر بيتمت حبه اكشي يبغى que tu mettes au mufanna il veut que tu le mettes au mufanna donc ça va revenir comme on vient de le lire à l'instant voyez ça va venir comme on vient de le lire à l'instant Donc ça, Arsène. Thalithan, maintenant il va vous l'apprendre quand il est marfou. Ce Moufanna, il va vous l'apprendre quand il est marfou. Chose qui aurait été plus logique pour lui de débuter. Parce que le marfou, à la base, il vient en priorité avant le mansoub. Donc tous les côtés de Nahou, vous allez voir ou quoi. Tout ce qui se rapporte au raf, il est toujours en premier. Parce que tu ne trouveras pas une phrase. Il n'y a pas une phrase en langue arabe sans qu'il y ait la présence d'un ismarfoua. Tout est un ismarfoua. Soit il est mokadda, sous-entendu, ou enlevé, en tout cas il y en a un. Alors comme mansoub, tu n'es pas obligé d'en trouver. Tu n'es pas obligé de trouver un ismansoub dans les phrases. Par exemple, Mohammedun qa'imun. Mohammed debout. Mubtada khabar. Mais dire son marfo. Si tu veux qu'une phrase où il y a un verbe dedans, tout verbe a un sujet. Et le sujet, comment il est? Marfo. Mais est-ce que toute phrase a marfo bihi? Là. Jalasa Mohammedun. C'est pas marfo bihi. Là, on a un verbe et un sujet. Donc le ism marfo, tu es obligé de trouver. Dans toutes les phrases, le marfo, il est présent. Il est indispensable. Un al-mansoub, non. Tu peux t'en passer. Au moment, il y a des phrases, tu es obligé de l'avoir, mais je veux dire, tu n'as pas une phrase, c'est pas l'azim que tu es obligé de mettre un ism mansoub dans chaque phrase. Alors que le marfo, tu es obligé de le mettre, tu es obligé d'en trouver un. Il n'y a pas une phrase, il y a une jumla mufida, il est wafiha, ismun marfo' ou isman ou akthar. Et au moins, il y en a au moins un seul. Donc maintenant, il va vous faire ce mufanna marfo'. Et quand le moufanna est marfour, c'est tout simplement alamat rafi'i, c'est le alif. Son signe de raf, c'est le alif. Alan yaqul istami' wa raddid awalan ma' mahmoudin kitabani. La kitabani, il est quoi? En fait, c'est un mubtada mu'akhar. Et ma' mahmoud, c'est le khabar. À la base, l'origine c'est kitabani ma' mahmoud. Vous voyez? Mais en général, en langue arabe, quand le mutada est nakira, indéfini, on met à la fin. Si son khabar c'est un jar ou majrour ou un zorf comme là, on met à la fin, en général. Donc en fait, c'est il y a avec Mahmoud deux livres. Pas mal? Le khabar c'est Mahmoud là? C'est Ma'a Mahmoud. Ma'a Mahmoud, ثانياً مع محمود حقيبتان. Donc il y a deux valises avec Mahmoud. حقيبتان, là ça vous paraît, c'est mutada mu'akhar. Il est marfou, qu'est-ce qu'il éprouve? Le alif. ثالثاً مع محمود قلمان. Donc il y a deux stylos avec Mahmoud. قلمان, là c'est lui le mutada mu'akhar. علامه رفعه الالف. رابعاً مع محمود دفتران. Il y a deux cahiers avec Mahmoud. Ma Mahmoudin Kurasa Tani. Kurasa, c'est un doftar. Sawa, takriban. C'est un doftar, un petit bloc, un petit carnet. Donc il y a deux carnets de notes avec Mahmoud. Sadisan, ma Mahmoudin Rialani. Donc Mahmoud, voyez, a deux riels, en fait. Les phrases, on peut les mettre de différentes façons. On peut dire avec lui, où il a, c'est à peu près pareil. Vous voyez, c'est à peu près pareil. طيب رابعا اكمل كما في النموذج. النموذج مع محمود ensuite فراغ un trou ثم يمت le mot entre parenthèses بين قوسين il faut que tu le mettes يعني مثنى مرفوع comme on le fait à l'instant. وهذا كذلكما لغد. C'est facile. خامسا املا الفراغات في الجمل الاتيه باختيار الكلمات المناسبه مما يلي. Donc il faut remplir les trous avec les mots qui correspondent. On va le faire ensemble, tu vois. أولا يقول معي تشوط الحقيبتين وحقيبتين أيهما يقدم؟ حقيبتان. نعم. سكيبة تقدم مؤخر. ثانيا تسلمت الآن رسالتين أو رسالتين. أحسنت. لأنهما فول به الآن. رسول دو لتر. ثالثا اشتريت كتابين أو كتابين. نعم جاشت دو ليفر. رابعا مع إبراهيم ريالان أو ريالين. ريالان. نعم إبراهيم دو ريال. خامسا تناول المريض حبتان أو حبتين. حبتين. نعم المرض أجب دو كشي. ثالثا معنا دفتراني أو دفتريني. نعم. Nous avons deux cahiers. أحسنت. هذا مبتدا مؤخر. هذا مفهوم؟ لا. معنا نحن. Oui. معنا دفتران. Nous avons deux cahiers en fait. معك دفتران، معه دفتران، معها دفتران. معنا دفتران. طيب ثالثا من يبي يفعل كوا المقول به المفرد توصل منصوب avec la fatha celui d'origine استمع وردد تناول محمود حبة. ici je m'arrête, tu dis حبة. طيب في الوقف quand tu t'arrêtes dans une phrase chez Zahab il mettait le moussakin à la fin et pour ce n'est pas la haraka. Des fois tu peux le faire la baisse, mais l'origine c'est que tu ne prononces pas, c'est pas haram. طيب c'est pas bid'a non plus, c'est juste que c'est pas dans leur coutume et c'est leur langue, donc ils sont plus connaisseurs. Fanyan wajada mahmoudun kurrasatan, et dans le waqf kurrasa. طيب mahmoud a trouvé un carnet. Ouais, avec le jam. Et là il faut faire comprendre un autre signe de nasb avec le djem ou anas salim. C'était hier, tu m'as demandé, ou avant-hier. Je ne sais plus c'était quelle phrase. Il y avait un mot qui était mafoul bihi, il y avait une kasra. Je ne sais plus c'était quel mot, je m'ai demandé, toi. Et je lui ai dit, ça va venir. C'est pas là dans... C'était pas dans le ders. Et bien maintenant, tu auras la réponse. Que le al-djem, al-djem al-mu'anath al-salim, aramat nasbihi al-kasra. Vous voyez ? Son signe de nasb, c'est la kasra. C'est pas la fatha. Tout ce qui est djemou anas salim, kasra. Tu dis pas par exemple, raïtou muslimatan, avec le genre le tanouin, il n'y a pas. Ou raïtou muslimata, il n'y a pas. C'est raïtou muslimatin, ou raïtou muslimati, kasra. Quand c'est mansoub, c'est kasra, mutlaqan. Djemou anas salim. Celui qui a un lit fait un t, ajouté à la fin. Donc maintenant, comme il a dit Abdelrahman, en dessous, les phrases qu'on vient de voir là, maintenant, il faut tourner en quoi ? En pluriel. Il dit, Tanawala Mahmoudun Habbatin. Que Mahmoud, vous voyez, a pris des cachets. Wajada Mahmoudun Kurassatin. Que Mahmoud a trouvé des carnets, des cahiers. Donc le diable de Habba, Habbat. Et le diable de Kurassa, Kurassat. Kataba Mahmoudun Safhatan. Écoute, t'arrêtes, en vrai, Safha. Rabi'an, Ishtara Mahmoudun, Zujajatan. Mouan al-Waqf, Zujajah. Eux, ils veulent dire bouteille par là, bouteille en verre. Zujajah. La base Zujajah, tout ça, c'est du verre. Mais des fois, ça peut aussi être une bouteille en verre. C'est deux pluriels, c'est pareil. C'est un autre pluriel, c'est un djem taksir. Un mot peut avoir plusieurs pluriels. Donc en djem, Kataba Mahmoudun Safahatin. Que Mahmoud a écrit des pages. Ishtara Mahmoudun Zujajatin. Que Mahmoud a acheté des bouteilles en verre. نعم سابعا من يبغى يفعل أبليكي التطبيق الآن جاء وقت التطبيق. سابعا حول كما في النموذج حول فن كما في النموذج donc transforme comme un exemple. Il dit يتناول المريض حبة, que le malade prend un cachet. Maintenant on fait tourner en jam le mafoul bihi, on le met en jam. Maintenant ça va être quoi? يتناول المريض حبات. طيب حبات بالكسرة. donc toutes les phrases là on va ça nous jammerwa, on va les mettre en jam. أولا يقرأ الطالب صفحة. l'étudiant lit une page. كيف تقول بالجم؟ الحركه صفحتين نعم كم مثل الحركه يقرا الطالب صفحتين صفحات صف صف لا justement lui tu vas mettre une tu mets une fatha sur le fa il change un petit peu celui-là صفحات c'est pas صفحات c'est صفحات يقرا الطالب صفحات نعم lui c'est spécial tu vois c'est pas tous qui font ça ثانيا تاخذ الطالبة ورقة l'étudiante prend une feuille. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit رابعا يشاهد محمد سيارة محمد contemple une voiture regarde une voiture يشاهد محمد سيارات نعم خامسا اشترى سليم كراسة سليم اشترى كرسي اشترى سليم كراسة سادسا يسكن الطلبة حجرة Taraba, c'est quoi? Andek. Taraba. Aïwa. C'est le pluriel de l'aide de Talib. Arsent. Donc les étudiants habitent dans une pièce, une chambre. Qu'est-ce que tu as dit? Yaskunu al-Taraba. Al-Taraba, il n'y a pas de mad. Yaskunu al-Taraba, Hujrati. Non. طيب ثامنا املا الفراغات في الجمل الاتيه باختيار الكلمات المناسبه مما يلي دونك لا يفو اون بيو لي تروك لي مو سويفون عندنا شفاك الله كرات غيس العضل لو موسكل نتيجه ريزولتا ظهرت ابايتر الجمل هي اخذ عمر فراغ التحليل وذهب الى الطبيب دونك عمر ابري لو مواميتر d'examen et est parti chez le médecin. Fanien, قال الطبيب لعمر فراغ عندك مرارية في الدم. Donc le tabib a dit à Omar quelque chose dans ton sang, la malaria. Thalithan, قرر الطبيب لعمر حقنة في فراغ كل يوم. Donc le tabib, le médecin a prescrit à Omar une injection dans chaque jour. رابعا قال الطبيب لعمر et que le médecin dit عمر فراغ et toi tu mets le truc qui convient voyez donc l'Iqra on prend maintenant ou ça fait grosse tête hein dans Kifuna Là, là, c'est pas en Amchi-Namchi ou le reste, après c'est pour le traîner. Hein Yakshik Taïeb, ça n'a pas fou, Marie. L'Israël Kouloumakoulna, dans un texte là d'avant là, j'avais raté on a il t'a seulement bil-is'haf l'adifiyya l'adifiyya l'yakhudahu l'itabib par téléphone tu peux en l'adifiyya mais là il dormit pour préciser parce qu'il t'a seulement comme je dis à Daoud à la base ça peut avoir d'autres sens tu vois le tissa c'est pas forcément parce qu'à la base c'est un mot d'avant il n'y a pas de téléphone avant donc tu peux dire ittasal tu bihi masalan kitabatan par écrit j'ai correspondu avec lui par écrit par exemple. Et là dans c'est faire un lien en fait ittasal c'est faire un lien avec quelque chose le secours le prenne et l'envoie ramène chez le médecin. Ah d'accord. L'ambulance ou voilà. Non quand tu dis l'ishaf c'est l'ambulance. ربما غدا سنقول إقراء والنص كاملا parce qu'Iqra tout seul il est petit et le nas le dars la poussi il est court il a pas de Iqra lui donc on va les mettre ensemble inchallah des fois t'en as qui l'ont des fois qui l'ont pas et quand on dit des fois matah hadath azali quand est-ce que c'est passé et je vous conseille pour je pense que c'est Badradin un tourage ahkam al adad min al kitab al awwal لمن قد درسها que celui qui a déjà pris les règles des chiffres qui tape à ouais qui les révise parce que ça va revenir là dans deux cours et wa ma uhib an afal ma'akum kanakum ma ta'lamun wala shay je pense que ça consiste à rien du tout inchallah vous avez déjà pris des bases là c'est une muraja'a donc révisez les maintenant comme ça vous êtes préparés vous voyez et puis lorsqu'il y a du zaid des choses qui ne sont pas dans le kitab à ouais par contre, parce que j'ai été pris, et plus on passe rapidement pour s'en rappeler, pour pouvoir se concentrer sur le nouveau. Inch'Allah. Vous voyez ? Non. Alors, voilà, on a. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.